Caprices de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Caprices de lecture où aujourd'hui je reçois un habitué des studios de Fadjet parce qu'il s'agit de Christian Schott. Bonjour Christian. Bonjour Sarah, un habitué et bien heureux de l'être. Eh ben merci beaucoup, je suis ravie de te recevoir. Pour la quatrième enquête de notre ami Bolitch dans Dessin funeste, qui est sorti en septembre 2025 aux éditions Ex Aequo. Oui. Et puis j'avais très envie qu'on en parle au micro de Caprices de lecture. Alors, tu reviens, quatrième enquête donc, de Bolitch, et tu le dis très bien, son compère. Maggioli. Maggioli, moi je le dis pas aussi bien. Alors... On avait l'habitude de Bolitch, c'est presque comme un copain qui est à côté de nous quand on le suit dans ses enquêtes. Mais toi, auteur, t'avais besoin de le retrouver? T'avais besoin de continuer avec lui? Continuer, je ne sais pas si je l'ai quitté depuis en tous les cas la deuxième enquête, parce qu'il y a un gros écart de temps entre la première que j'avais écrite, ouais, il y a plus de 20 ans, et depuis la deuxième, troisième, quatrième, c'est je crois à peu près tous les ans, ou les un an et demi, j'enchaîne. Donc je vis avec Bolitch, je vis avec Maggioli, j'avais boire un pot chez Selim, je vis avec. T'avais pas envie de faire une coupure, ils sont vraiment, tu habites avec eux. J'habite vraiment avec eux. Ou ils habitent en toi, mais vous êtes ensemble tout le temps. Ils prennent beaucoup de place, mais bon. C'est moi qui paye les demi, mais bon. Alors, on croise justement dans ce nouvel opus, on croise quand même des destins tragiques, comme Tété, qui est ternier. Moi, ça me fait penser un peu à la façon dont c'est écrit et la façon dont tu décris les scènes, les lieux. Moi, ça me fait penser un peu au film policier ou téléfilm policier des années 80, avec justement cet inspecteur avec un chapeau noir un peu de travers, une cigarette ou un cigare au coin de la bouche. Est-ce que c'est un univers, toi, qui t'inspire pour Bolitch et Maggioli? Très certainement. En plus, tu me rappelles un peu mon âge, donc je date un petit peu. Non, mais je ne dirais pas ici. Mais j'ai baigné là-dedans. Et forcément, je suis spongieux. Je veux dire, on l'imagine avec son imperméable quand il pleut. Ça, là, c'est voilà. Simenon aussi, c'est des gens comme ça. Oui, ça me fait penser à Simenon. La pluie sur les pavés. Là, ouais. Avec une atmosphère toujours un peu ouais. Alors, je ne dirais pas tendue, mais tu sais, tu t'attends toujours à quelque chose, tu ne sais pas quand ça viendra. Ouais. Et là, c'est écrit pareil, en fait. Sauf que eux, ils ont beaucoup plus de corps. Bolitch et Maggioli prennent du corps au fur et à mesure où tu écris. Est-ce que c'est un signe de maturité de l'écrivain? Oh, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Si c'était pas moi, je dirais oui. Quelqu'un d'autre, je pourrais dire. Moi, je sais pas si. Moi, je dirais oui. Je trouve que je deviens enfin un peu mature. Plus t'avances dans l'écriture et plus tu la maîtrises. Moi, c'est comme ça que je le ressens quand je te lis. Ça fait du. Bien d'entendre. Oui, parce que je pense que tu les as fait grandir et mûrir avec j'allais dire avec toi, mais c'est avec ton écriture, avec ton profil d'auteur. Et je pense que ils ont le coffre nécessaire là maintenant, parce que, je vais pas dévoiler cette enquête dans Dessin funeste, mais voilà, on est quand même un cran au-dessus sur la maîtrise que ce soit de la grammaire ou de la tournure de phrase. Est-ce que toi, tu y vas avec plus d'aisance? Je me laisse vraiment guider, quoi. Une course sur le. T'as pas de plan quand tu commences non. à écrire? Alors, aucun plan. Mais c'est pour ça que je dis que je vis avec. Tu y vas, point. Parfois, je me mets quelques idées pour le lendemain, parce que j'écris à peu près tous les jours, mais pas très longtemps. Et je m'engage et je bifurque, quoi. Je vais ailleurs, j'élargis sur autre chose. Et ça te pose aucun problème? Non, mais parfois, si, parce qu'il faut que je me relise. Oui. Il y a des incohérences, etc. Oui, voilà, ou de temps. Ou de temps, ou de, même de prénom. Des gens qui changent de prénom dans le même paragraphe, ça m'est arrivé. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais bon, il faut que je me relise beaucoup, beaucoup. Ouais. Et que je sois relu. Mais autrement, c'est vrai que je me laisse vraiment guider. J'ai pas de plan. Et même la fin peut changer en. Parce que quand tu démarres, t'as déjà une idée de la fin ou c'est juste. Tu verras. Tu verras. C'est souvent, je sais pas comment ils vont procéder pour trouver, quoi. Ok. Tu trouves au fur et à mesure. C'est ce qui va arriver, mais je sais pas comment ils vont. Et j'attends qu'ils me le disent, quoi. Oh, c'est génial. Voilà. Mais c'est vraiment ça, quoi. J'écris comme presque... ça. Donc, t'es derrière ton PC, ou peut-être que t'écris à la main, je sais pas. Et en fait, tu peux passer 2 heures rien qu'avec eux, t'es complètement coupé. Je suis complètement coupé, oui. Et je suis sur mon PC, et puis pendant les vacances, j'embarque pas, j'écris. Ok. C'est marrant. J'aime bien. Parce d'accord. Que, voilà. Je reviens à l'écriture classique. Ouais, j'aime bien aussi. Ok. Voilà. Alors, on va faire une première coupure musicale, Christian, de ton choix. Donc, c'est une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Et si, en plus, il y a personne ?» Pourquoi ce choix? Parce que au nom des religions, il y a tellement de morts, de massacres, guerre, de tueries, ouais, de guerres, d'enfants. De... Et si en plus, il n'y avait rien, quoi, je veux dire. Et je trouve que c'est une, okay, une chanson magnifique. Eh bien, on écoute et on revient juste après. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus, y'a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de passions, tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus, y a personne. Alléluia. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes et ces enfants orphelins, ces vies qui chavirent et ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus qui résonne. Et si en plus, y a personne. Et l'angélus qui résonne. Et si en plus, prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission Caprice de lecture, toujours en présence de Christian Schott pour Dessin funeste. On vient d'écouter une chanson particulièrement émouvante. Il faut revenir après. Hein, oui, c'est difficile. Hein. Triste et belle à la fois. Oui. Merci en tout cas Christian, parce que je ne la connaissais pas forcément et c'est une très très belle coupure musicale. Alors, Bolitch, à Thionville, encore et toujours à Thionville. Oui, je reste un petit peu... Oui. Christian, que se passe-t-il? Pourquoi Bolitch ne sort pas de Thionville? On peut. Mais je pense que je vais essayer de le faire sortir quand même. Mais... Ah, c'est ton fief, Thionville. C'est mon fief, je connais, c'est toujours plus pratique pour moi d'avoir un décor que je maîtrise à peu près. Mais c'est vrai que j'ai déjà pensé à exporter un petit peu mon Bolitch, j'ai fait un petit crochet à 7 là. Ouais. Voilà, donc ça... présage de peut-être. Très bien. Alors justement, à Thionville, on monte un peu en puissance en termes de violence et de crimes. Est-ce que c'est une partie que tu avais envie d'explorer pour voir un peu ou est-ce que c'est lié à ce que je disais précédemment? C'est-à-dire que comme tu maîtrises maintenant et ton personnage et peut-être plus l'écriture, c'est normal, est-ce que tu avais envie de lui donner plus de coffre, quoi, de le mettre un peu devant des difficultés complémentaires? Mais je crois que tu as vraiment mis le doigt sur ce que je ressens, sur ce qui me porte. Et c'est vrai que je pense que c'est vers là que je vais. Ouais. Ça va être un peu plus dur, quoi, je crois. Ouais. Bah, ouais. Ouais, voilà, c'est commencé relativement light, mais là, ça part. Oui, là, on est. Là, on est pas mal, hein. Donc, ouais. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Oui, ça fait beaucoup d'un coup. Voilà. Mais je reste convaincue que pour bien apprécier Dessin funeste, il faut connaître les autres précédents. Ouais, enfin. Oui. On peut le lire tout seul. Oui, on peut le lire tout seul, j'essaie voilà, de faire ça. Quand tu rencontres, toi, des lecteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, j'ai rencontré pas énormément non plus de lecteurs. Ouais. Donc, voilà, je suis pas tilleux, il me semble. mais ceux que je rencontre et qui ont lu, ben tous, j'ai quand même des gens qui ont lu les quatre. Oui. Ouais, ben, c'est vraiment ce que tu dis. Il y a une évolution dans les personnages. Ouais. J'ai eu encore une critique il n'y a pas longtemps là-dessus sur l'évolution. Je pense qu'il est possible de lire celui-là tout seul. Parce que tu nous fais pas trop de. Tu sais, quelquefois, on a des auteurs comme ça, quand c'est en série, ils nous font des rappels à des trucs qu'on n'a pas lus. Donc, on ne comprend pas, il faut aller lire les autres. Toi, tu ne le fais pas forcément ou c'est assez subtil. Ouais. Mais moi, je trouve que pour voir l'évolution de Bolitch. Et j'ai des gens qui ont lu le premier, qui vont lire le deuxième et qui. Et voilà, qui. Ouais. Ouais. Voilà. C'est le même personnage. Bon, les gens s'attachent au personnage. On parle souvent de l'écriture qu'on aime bien, qu'on apprécie et du personnage. Voilà. Voilà, je crois que c'est le duo gagnant. Bah ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu as prévu d'autres épisodes de Bolitch? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Oui. J'aime bien les secrets de fabrication auteurs que je reçois. Comme je vis avec, c'est toujours en cours. J'ai à peine fermer celui-là que... T'en avais déjà même avant de fermer celui-là, je pense que j'avais commencé un autre. J'arrête plus. Ouais, parce que t'aimes bien écrire. Oui, parce que j'aime bien écrire, parce que oui, j'aime bien. C'est libérateur d'écrire. Ouais, ça fait du bien. C'est un voyage dans l'espace, dans le temps, c'est une autre bande de potes. Je suis très pote dans la vie, quoi. Ouais. C'est vrai que je suis vraiment comme ça. En plus, j'ai encore une nouvelle bande de potes. Voilà. Des potes auteurs. Ouais. Non, des potes dans mon bouquin. Dans ton bouquin. Des potes auteurs aussi. Des potes auteurs aussi. J'en ai aussi. C'est quoi la journée type de Christian Schott quand le jour où il a décidé d'écrire? J'écris toujours l'après-midi, mais c'est bon, j'ai pas de rite de machin, mais c'est toujours l'après-midi. Plutôt l'après-midi. Voilà, en face de deux tilleuls, voilà. Okay. À ma fenêtre, voilà, c'est ça mon, voilà, puis j'écris, puis je me laisse. Et tu peux écrire. Parce que quelquefois il y a des auteurs qui disent moi c'est au moins 3 heures par jour et puis je fais tel plan et je fais ça et voilà. Non, moi je fais pas comme ça, moi feeling, c'est que du plaisir, moi c'est voilà. Et si un copain passe bon à pot, j'arrête. Quoi. Ouais. Ça t'arrive de ne pas arriver à écrire? Non, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. C'était jamais arrivé? Non. Parfois, je recherche un mot, une phrase, un truc qui ne me plaît pas, je reviens, ça c'est vrai. Ouais. Mais non, j'ai jamais. T'as pas le syndrome de dire, ouais, aujourd'hui ça ne vient pas, tant pis, je laisse tomber, ce sera pour demain. Non, j'ai aucune. Je me mets aucune pression, quoi. Puis j'en ai pas autour non plus. Je veux dire, personne n'attend le prochain shot. Je veux dire, c'est aussi. Voilà. J'ai les pieds qui touchent par terre, je veux dire, c'est bien. Va, quoi. Parce qu'il y en a aussi qui se disent, c'est tous les jours, de telle heure à telle heure, et je déroge pas. Parfois, ça me fait sourire un peu ce que je vois passer, les gens qui se filment en train d'écrire avec la lumière posée. Oui, il y en a 3 heures du mat, quoi. Plein. Ça va, moi je dors, quoi. Ils font ça. Oui, moi aussi, à 3 heures du matin, je fais la fête avec les potes, mais je... Voilà. Je suis normal, quoi. Ok. J'ai pas besoin d'avoir un chapeau, un truc, je sais pas quoi. Ça fait du bien, de l'humilité. Ça fait du bien. C'est juste, voilà. On sait à peu près à quelle date sortirait un éventuel prochain ou là t'es juste en train de boucler et... on va dire dans un an ou plus tard parce que moi j'ai beaucoup de temps de relecture après et puis voilà. Ouais, tu te laisses le temps. Puis moi je suis jamais... Enfin, je pense que je suis encouragé par la maison d'édition à continuer. Oui. Je suis quand même jamais sûr. Je me dis que peut-être je vais lui envoyer un truc et puis qu'il lui plaît pas, quoi. Au final... Je suis pas si... Voilà. Ouais. Je suis pas sûr. T'as déjà demandé de corriger certains de tes manuscrits? Oui, alors en partie, ça peut arriver. Partie, parce que, le troisième, je crois. D'accord, sinon très non. Peu. Très, très, voilà. Comme quoi, tu maîtrises. Ouais. Deuxième et dernière coupure musicale de ton choix. Alors, rien à voir avec ce qu'on a écouté précédemment. David Bowie avec Heroes. Oui, David Bowie, parce que j'aime ça depuis que je suis gamin. Puis ça fait longtemps que je suis gamin, donc... Et puis, We Can Be Heroes. Ouais. Just for one day. Alors, on écoute et on revient juste après pour ton actualité et ton caprice de lecture. D'accord. I us were lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one day. Prise de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission, toujours en présence de Christian Schott pour Dessin funeste, quatrième enquête de Bolitch, aux éditions Execo. Alors, Christian, maintenant que tu nous as dévoilé tous tes secrets de fabrication, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité ? Alors, si tu as des salons, tu me disais hors antenne que tu es, voilà, c'est régulier, parce qu'il y en a beaucoup, oui, des salons. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je participe pas à tous les salons, oui, parce que moi, je pars à passer tous mes dimanches. Oui, tu as peut-être d'autres projets. Ouais, oui, j'ai une autre vie aussi. Non, j'ai des petits-enfants, j'ai plein de choses. Bah oui. J'ai une actualité un peu lointaine, au mois de juin. Ok. Déjà. Ouais, donc dans 6 mois. Oui, dans 6 mois, ça va aller très vite. Dans 6 mois, oui. Ouais. Une organisatrice qui est aussi éditrice. Éditrice Rive Noire à Thionville, qui organise un salon entre Libourne et Bordeaux, dans les vignes. Donc te voilà partie dans le sud-ouest. Dans les vignes. Je vais passer une semaine dans les vignes. Oh là là. Moi, ça me va bien. Voilà. Bon, à l'alcool avec modération. Hein. C'est ce qu'il faut dire. qu'est-ce que je voulais dire ? Si jamais, avant de passer aux caprices de lecture, si jamais des auditeurs ou même des personnes qui entendent après le podcast de notre émission souhaitent te poser une question ou avoir des précisions sur toi. Ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Comment ça se passe ? J'ai un Facebook. Oui ? C'est assez récent. C'est depuis que je suis auteur, entre guillemets. Ouais. J'ai toujours du mal avec tout ça, moi. J'ai un mail, j'ai un téléphone. D'accord. Mais tu as mes coordonnées. Le Facebook. Ils passeront par ta radio. Pourquoi pas, mais... Ah bah, qu'ils passent par... Le Facebook. Ouais. C'est quoi ton nom sur Facebook ? Christian Schott, auteur. Christian Schott, ouais, auteur, oui. C'est pas Bolitch, c'est pas tout. Non. Non. Christian Schott, auteur. Donc, ouais, tu mets un bon. Petit peu tes actus là-dessus. Oui, pas souvent. Tu peux t'envoyer un messenger. Oui, ça oui. Voilà. Je réponds. Je réponds. Bien. Je pense avoir plein de courriers d'ailleurs. Je mets. J'espère que ça va pas déborder sur moi. Au pire, vous contactez Radio Fadjet. Ferai le lien avec Christian. Je crois que c'est plus sûr. Voilà, c'est plus simple. Mais je réponds vraiment, quoi. J'ai pas du tout de. Oui, voilà. Voilà. Pas la grosse tête, bien. Très bien. Christian, pour terminer ce très beau caprice de lecture, est-ce que tu peux nous faire part de ton, justement, caprice de lecture ? La parole est à toi. Vas-y. Alors, j'ai pris soin, parce que pour ne pas écorcher ni le nom, enfin le titre, c'est bon. Le titre, oui, c'est à propos d'un village oublié. C'est un livre de Véronique Mougin, oui, qui parle des justes, donc des gens qui ont qui ont caché les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est un livre que j'ai découvert à travers un club de lecture à la librairie Tomsac à Thionville. Un livre que j'avais pas envie d'acheter ni de lire, parce que ça traitait d'un sujet que j'avais déjà beaucoup lu, beaucoup de témoignages et tout. Puis voilà, c'est bon. Alors, je l'ai lu, voilà, dans le cadre du club. Et j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur, parce que le sujet est traité d'une façon dont moi, j'avais jamais lu cette façon-là. C'est un dialogue entre une petite fille et sa grand-mère. Il y a plein d'humour. Ouais. Sur un sujet pareil. Et c'est toute une galerie de personnages dans un village où on voit qu'il y a des gens qui ont caché par humanisme, par conviction, d'autres par intérêt. C'est toute une galerie, tout un nuancier comme ça de gens. C'est un acte de courage collectif avec des vrais héros et des lâchetés, quoi. Et moi, ça m'a vraiment remué. Les héros du quotidien. Ouais. Et ça m'a vraiment remué parce qu'à la fin, enfin, à un moment aussi, il y a un dialogue entre la petite fille et la grand-mère. La petite fille, elle reste très incisive, etc. Elle est très, très révoltée. Ouais. Et la grand-mère, qui pourtant a vécu, elle a beaucoup plus de recul, de sagesse. Et je ne veux pas dire qu'elle pardonne, on ne peut pas pardonner, mais qu'elle a un regard beaucoup plus doux. Peut-être beaucoup de résilience. Complètement. Sur tout et ça. Moi, ça m'a vraiment remué. Quoi. Ok, tu peux nous rappeler le titre ? Le titre, je le lis, c'est « À propos d'un village oublié » et c'est de Véronique Mougin. Eh bien, à retenir, et je pense que je vais aller le lire, ce livre-là. Si tu me le conseilles, c'est qu'il est bien. Voilà. Merci à toi, Christian, pour ce très beau caprice de lecture. Comme d'habitude, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir et ça, c'est trop rapide chez toi. Non, mais on est tellement bien ici. On est tellement bien. On est tellement bien, je sais. Voilà. C'est un peu ma deuxième maison aussi. Ah, ouais. Merci à toi. Merci à toi. On se donne rendez-vous en 2026, peut-être pour les cinquièmes enquêtes de Bolitch. Voilà, je reviendrai avec vous. Tu gardes, tu nous tiens au courant. Oui, toujours. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très vite. Au revoir. Ouais, merci.